construisent quoi? Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. La música és el relleu, la música ho és tota per nosaltres, la música és la nostra gran companyia, és el nostre somni, el nostre desig, el que volem que ens acompanyi sempre, que la música dona vida. Music amb Franz Gall, aquesta és la manera que tenim nosaltres cada setmana de començar el nostre espai. Hola, la Music, música en francès per tots els nostres oients. De tant en tant us oferim un programa eclèctic, això sí, amb els nostres col·laboradors habituals, l'Àngel Rodríguez, en Hamid i en Cyril Torres, que ens acompanyaran en les seves tries, en les seves seleccions. Mentre la resta us la porto jo. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. I avui és un d'aquests programes eclèctics, generals, amb música diversa per tots els nostres oients, de tots els estils i totes les generacions. Començant amb aquesta cançó que ens arribarà mateix d'un àlbum que es deia The Sound of France, del 1990, Stone et Chardin, amb una cançó que ens parla d'una aventura.

à Vauban. És la música d'en Leo Ferrer. També a través del nostre espai estàs escoltant l'Alà Music, el programa de música en francès, que ara mateix t'acompanyarà amb un dels nostres protagonistes més brillants cada setmana, l'Àngel Rodríguez. Agafa els seus trastets i ens acompanya amb una de les seves seleccions musicals sempre interessants. Àngel Rodríguez, molt benvingut. Què tal, Rafael? Avui us recomano una cançó preciosa que es diu L'Avà, que Jean-Jacques Goldman va interpretar juntament amb la cantant Sirima. De mare francesa i de pare sri-lankès, Sirima va viure a Sri Lanka la seva infantesa i la seva adolescència a Anglaterra. De seguida, després, va marxar a París. Es diu que Jean-Jacques Goldman la va conèixer al metro de París mentre ella tocava la guitarra. Els dos van interpretar aquesta peça l'any 1987. Al final de Sirima és trist, va morir jove, a l'edat de 25 anys, de mans del seu xicot. Quan Jean-Jacques Goldman la canta en els concerts en directe, deixa que el públic hi posi la veu femenina. Escoltem-la. La va, que traduït al català, vindria a significar per allà. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. De nos villages, j'oublierai ta voix, ton visage. J'ai beau te serrer dans mes bras, tu m'échappes déjà là-bas. J'aurais ma chance, j'aurais mes droits, papa. Et la fierté qu'ici je n'ai pas, papa. Ce que tu mérites est à toi, papa. Si les autres imposent. Si je reste là, la vie ne m'a pas laissé le choix. Toi et moi, ce sera là-bas ou pas. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Beau comme on n'imagine pas. Ici même nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. On ne m'a pas laissé le choix. Je me perds si je reste là. C'est pour ça que j'irai là-bas. Jackson Goldman amb la Sirima i aquesta peça que ens portava, que ens recomanava el nostre bon amic Àngel Rodríguez, l'autor, compositor, intèrpret francès, fill de mare alemanya i de pare polac, però que ens acompanyava amb excepcional música. Seguim amb aquest programa eclèctic, amb artistes i música diferent, nascut a Stafford, a prop de Agen, França, cantautor i guitarrista francès d'ascendència italiana, nascut el 1953, és Francis Cabrel. Tôt ou tard, ça n'allait par les ruisseaux devant nous, jusqu'au milieu d'une mer quelconque sur le pont brisé. D'une jonque qu'on va tôt ou tard s'en aller. Quelques vestes froissées, quelques cartons en morceaux, dans le brouillard huileux de la nuit, juste nos corps frileux. Endormi sur quelques vestes froissées. J'avais des rêves. Pourtant, j'avais des rêves. J'avais des rêves. Oh, pourtant. Voir les trains s'éloigner, les plafonds chargés de bijoux, et tous ces gens attablés, heureux et nous sur les bas-côtés, fiévreux de voir les trains s'éloigner. Quelquefois les enfants demandent comment fait-on. Finir ici. Sans doute, je dormais sur une feuille et l'automne m'a surpris. Des rêves, pourtant J'avais des rêves. J'avais des rêves. Oh, pourtant. Mais tôt ou tard, ça n'allait. Par les ruisseaux devant nous, jusqu'au milieu d'une mer quelconque sur le pont brisé d'une gens qu'on va tôt ou tard s'en aller. Tôt ou tard s'en aller. Tôt ou tard s'en aller. Tot s'en aller, en Francis Cabrel ens acompanyava en la seva música. Com Franz Gall, la gran cantant parisenca que obre el nostre programa cada setmana amb el seu music, avui ens portarà una de les seves increïbles composicions, peces, també una cantant que es va fer famosa a França als anys 60 cantant temes d'en Serge Gainsbourg i que a poc va aconseguir la fama per ella mateixa. J'irai on tu iras. Il y a des moments si beaux qu'on voudrait y croire. Quand on veut les saisir, quand on sait les voir. Puisqu'il faut vivre, être ensemble ou se suivre, c'est beaucoup plus fort. Je suis peut-être celle qui te fermera les yeux. Peut-être qu'on se croise pour un instant ou deux. Dans ce qui nous entoure, y a tellement d'élan d'amour qui se perdent. Là, là, c'est un volcan qui gronde. Là, là, c'est un rêve qui s'en va. Là, là, un homme qui sort de l'ombre. Là, là, et se bat. Les enfants sont rois. Là, là, on est au bout du monde. Là, là, mais moi, j'irai où tu iras. Quelquefois je suis l'eau quand tu voudrais le feu. Peut-être qu'on est seul, même quand on est deux. Et quand tout semble possible, partager l'inaccessible, c'est beaucoup plus fort. Là, là, c'est une passion qui sombre. Là, là, on fait des feux de joie. La force qui tombe, là, là, et fait régner sa loi, là, là, la colère et la fronde, là, là, mais moi, j'irai où tu iras, là, là, où tu iras, là, là, La música l'acompanya a través de l'Ala Music, la música en francès, les col·laboracions. En el nostre anterior programa, en Cyril ens deia, crec que en recordar que qui havia inventat la música va tenir una gran pensada. Jo m'he documentat i recordo que la primera vegada que es va inventar la música va ser en una pel·lícula que es deia Cavernícola. No sé si tu l'havies vist o no, però allà van descobrir la música al costat del foc. Doncs va ser una bona broma, amb aquella pel·lícula, molt bona broma. Què ens portes avui, amic meu, per descobrir el món de la música? Doncs la música que em penso que ja ha estat descoberta, o que es va descobrint dia a dia, en tot cas, té moltes sorpreses, i avui us porto, crec que, una cosa força simpàtica i força sorprenent, perquè la música també pot sorprendre, també ens pot agafar d'imprevist, i és segurament quan arriba de manera més directa. Amb la col·laboració del Fabià, que és qui les darreres setmanes ens va assessorant i ens va doncs, fent descobrir coses, perquè la música, entre altres coses, és interminable també, i per molt que t'agradi, per molt que n'escoltis, sempre hi haurà algú que està gravant un tema i que aconseguirà doncs, emocionar-nos. En aquest cas, recuperem un clàssic de la música no francesa, sinó francòfona, perquè com hi ha gent que encara segurament es confon, Jacques Brel, que és un dels grans icones de la música francòfona, és belga, tot i que la seva carrera, doncs, la gran majoria va ser a França o en els escenaris de París. Un clàssic de Jacques Brel, però en aquest cas amb clau de rap, que és com les noves generacions entenen la manera de manifestar-se. Un gran del rap a França, Oxmo Puccino, que és, com us deia, un dels grans referents del hip-hop a França, amb un tema, un clàssic del Jacques Brel, que és un tema on al seu moment ella vomitava totes aquestes incongruències que segurament d'una societat en el seu moment petita burgesa i de tot el que es callava sobretot. En aquest cas, Oxmo Puccino amb Ces gens-là, o sigui, aquesta gent. Estàs escoltant Olala Music, un programa amb Rafael Corbí. Hardcore. Black Jacques Brel. Ces gens-là. La légende. Les gens. Box. Hardcore. Black. D'abord. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon. Lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom. Monsieur tellement qu'il boit ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses droits, mais lui qui n'en peut plus, lui. Complètement cuit et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille. Raide comme une saillie blanche, comme un cierge bar. Et puis qui parle du si et quel œil qui part. Il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, monsieur, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas, on prie, on prie. Et puis à l'autre des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, et qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié à la Denise, à une fille de la ville, enfin d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches, on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, monsieur. On ne dit pas, monsieur, on ne dit pas, on crie. Et puis y'a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi, et du soir au matin. Sous sa bagaille d'apôtre, et dans son cadre en bois, y'a la moustache du père qui mordit du sein, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide, et ça fait des grands, et ça fait des grands. Et puis y'a la petite vieille qui en finit pas vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est qu'à l'oseille. On n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Pour vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, monsieur, on ne cause pas, monsieur, on ne cause pas. Et puis y'a Frida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être. Et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres qui disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué de chat, ou alors y'a longtemps, bien c'est oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin ils veulent pas. Parfois quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement. Alors moi instant. Je la crois monsieur, pour un instant seulement. Pour un instant seulement. Parce que chez ces gens là monsieur, monsieur, on ne s'en va pas, on ne s'en va pas monsieur, non. On ne s'en va pas monsieur. Mais il est trop tard monsieur, trop tard. Faut que je rentre chez moi. C'est la police monsieur. Et les bandits. Ah, ah oui, c'est dangereux dehors. Dangereux. D'aquesta manera ens ha acompanyat en Ciril Torres amb la seva recomanació d'aquesta setmana amb el nostre programa. Marxem, com vàrem fer ja fa dos programes, a la música, la història de la música francesa, dels èxits any per any, l'antologia de la cançó francesa enregistrada. I vam començar amb una sèrie de cançons, dues, farem regularment en cada programa, però només dues, perquè la majoria, estem a l'any 1920, se senten bastant malament. Un artista anomenat George Gel ens portarà un parell dels seus temes d'aquest any tan llunyà, d'aquest 1920. Ser un petit un gamin xaman es deia aquesta cançó que escoltarem. La croise et l'autre soir, c'était à minuit rue d'Athènes, la voyant celle qui se promène, je lui dis mon enfant, bonsoir. J'ajoutais à cette rédue, que faites-vous donc dans la rue, naïvement et sans savoir. Elle dit, je fais le trottoir. C'est une gamine charmante, charmante, charmante, qui possède une âme innocente, innocente. En elle tout est poésie, poésie. Elle répond au joli nom d'Aspasie. Devant la blancheur et l'éclat de son cou plus blanc que l'albâtre, je lui dis quel coup de théâtre, quel coup du ciel, quel coup d'état. Oh, fidèle d'un petit air honnête, vous ne connaissez que mon coup de tête, mais vous serez chipé, je le crains, quand vous connaîtrez mon coup de rein. C'est une gamine charmante, charmante, charmante, qui possède une âme innocente, innocente. En elle tout est poésie, poésie. Elle répond au joli nom d'Aspasie. Angel era un pseudònim de George Job, nascut i mort a París el 2 de juliol del 1884, va morir el 8 d'agost de 1945, un cantant francès actiu entre principis de segle XX i el 1940. 45 anys de la seva mort. Entre les seves grans cançons cal destacar algunes del 1908, dintre del meu avió, Dans mon aeroplan, o el 1912. Entre el 12 i el 15 va ser quan van tenir més èxit, i passada la Primera Guerra Mundial també en cançons com Alaska, el 1926, o alguna d'aquestes que estem escoltant també. Aquest altre tema seu, també del 1920. Les petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens. Oh, quel désir, quand nos yeux les devinent. Oh, quel plaisir, quand nos doigts les lucinent. Ils font bientôt sous notre étreinte des bons et même des pointes, quand on les a dans la main. Mais oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient. Blanche ronde rose aux contours délicieux, les païens sont un régal pour les yeux. Ils ont tous, malgré leur forme régulière, leur physionomie particulière. Les uns lèvent la tête sans se gêner. Y en a qui vous regardent l'air étonné, d'autres pudiquement baissent le nez. Qu'ils soient monticules ou promontoires, des pommes, des oranges ou des poires. Les jolis petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens. Oh, quel désir, quand nos yeux les devinent. Oh, quel plaisir, quand nos doigts les lutinent. Ils font bientôt sous notre étreinte des bons et même des pointes, quand on les a dans la main. Mais oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient. Homme marié ou bien célibataire, nous courons tous après ces globe-trotters. C'est autour de ces mondes si petites que pourtant le monde entier gravite. Désespérés, c'est le double jardin. Les fétiches dont nous sommes les pantins, éternels nénés et rincinsins. De l'amour, c'est la vivante cible, qui même cachée reste visible. Les jolis petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens. Oh, quel désir, quand nos yeux les devinent. Oh, quel plaisir, quand nos doigts les lutinent. Ils font bientôt sous notre étreinte des bons et même des pointes, quand on les a dans la main. Mais oui, madame, c'est toute la femme. Des del 1920, Georges Gell, part de la història de la música en francès. Anem cap a un Pied-Noir, un d'aquests artistes nascuts amb el que aleshores era l'Algèria francesa. Constantin, concretament, l'11 de desembre de 1938, hi va néixer en Gaston Renassia, conegut amb el nom d'Enrico Macias. Com dèiem, un peu negre molt conegut durant més de 50 anys en el món de la música. L'any 1991 va tenir un duet important amb Ginny Galan, que ara mateix escoltarem. Un amor, un amic. Moi j'ai ma vie de soleil et de tourment. Tout le destin s'est joué d'avance. est-ce un amour ou une amie? Pour la vie, pour une heure. Est-ce un prélude ou une symphonie? Un as de pique ou un roi de cœur? Est-ce un amour ou une amie? Être sincère ou charme? Tout se joue sur une seule. La música amb la col·laboració, com cada setmana, amb el nostre programa del bon amic Hamid. Aquí, una vegada més, donem les gràcies per la seva col·laboració amb el nostre espai. Bonjour, Hamid. Bonjour, Rafa. Il y a des moments pour un DJ, il se présente avec les danseurs et les danseuses, et des fois, il ne veut pas les perdre. Et ce moment creux, c'est le moment où je peux jouer Prince Iyango, sans doute, et les garder danser toute la soirée. Les problèmes. Animo, ne te fais pas de chagrin. C'est tout le monde qui a des problèmes. Tu n'es pas unique, tu n'es pas la seule. C'est tout le monde qui a des problèmes. Alimo, ne te fais pas de soucis. Alimama, c'est tout le monde qui a des problèmes. Tu n'es pas unique, tu n'es pas la seule. C'est tout le monde qui a des problèmes. Tu me vois souvent rouler dans des grosses voitures, alors que j'ai des problèmes. Tous les jours je suis à la Côte d'Azur avec des nanas alors que j'ai des problèmes. Tous les jours je suis dans les boîtes de nuit pour casser des champagnes alors que j'ai des problèmes. Premier bureau c'est moi, deuxième bureau c'est moi alors que j'ai des problèmes. Alimo, ne te fais pas de chagrin. Alimama, tout le monde qui a des problèmes. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas la seule, c'est tout le monde qui a des problèmes. Alimo, ne te fais pas de soucis. Alimama, tout le monde qui a des problèmes. Tu n'es pas unique, tu n'es pas la seule. C'est tout le monde qui a des problèmes. Alimae. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes. Alimae. Chacun a des problèmes, chacun a des soucis, chacun a des problèmes. Alimae. Oh. Chacun a des problèmes, chacun a des soucis, chacun a sa façon de prendre la vie. Pourquoi tu dois penser? Pourquoi tu veux mourir? Tu dois souffrir, Alimae. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, Alimae. Chacun a des problèmes, chacun a des soucis, oh. Chacun a des problèmes, Alimae. Chacun a des problèmes, chacun a des soucis, chacun a sa façon de prendre la vie. Bwangi, Montagna, Ekoso Yangu, Montagna, A Christian Mike, Montagna, Elsha Matike, Montagna, Atonge Wane, Montagna, Agabye Sama, Montagna, Ali Mahe, Wote Wane Komi Msima, Wumin Konse, Oye Kyonowo, Dube Mwena Dimbonge, Wote Wane Koti Vipae, Wumin Konse, Oye Kyonowo, Kandewe Nowe Diyam, Wano Aikya Woe, Alima, chacun a des problèmes, chacun a des soucis, chacun a des problèmes, Alima et chacun a des problèmes, chacun a des soucis, chacun a sa façon de prendre la vie. Sans faire tourner la tête, sans faire bouger les pieds, les problèmes de la vie, sans faire mentir au pardon, sans faire tourner la tête, sans faire bouger les pieds, les problèmes de la vie, sans faire mentir au pardon. Monsieur et dame, Monsieur Edamo, face à face. Oh Monsieur Edamo, Monsieur Edam, Monsieur Edamo, face à face. Monsieur Edam, face à face. Oh Monsieur Edam, Monsieur Edam, ça fait tourner la tête, ça fait bouger les pieds. Alima, même si mes poches sont clouées, je suis toujours en veste et cravate. Je s'en fous, à chacun son problème. Hein? Attention, beau frère, tu veux te tuer? Mais bois d'abord un verre de gold face avant de mourir. Quand tu seras en affaire, tu verras mon grand-père. Dis-lui que moi-même, j'ai des problèmes, mais seulement je ne vais pas mourir. Merci. Fantastique musique d'Afrique, l'Afrique dynamique, avec Prince Iyango, et la chanson c'est Les Problèmes. Vraiment c'est pour danser toute la soirée. Ha estat la col·laboració d'en Hamid, esplèndida com sempre, a Olala Music. I després d'en Hamid, que com sempre tanca el nostre programa, una peça per anar diluint Hola la Música amb aquesta edició, és una peça de l'excel·lent cantant Ingrid Emiliana Alberini, artista italiana, cantant en francès, la Ingrid, amb aquesta cançó. Salutacions de Rafael Corbí, fins a la propera edició a Hola la Música. Ens trobem. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, voilà le rendez-vous. Changer ta vie, donne-moi l'occasion de chasser ton ennui. Le ciel pour tes yeux, le feu pour ta nuit et l'eau pour ta soif. Voilà le rendez-vous qui peut changer ta vie. Donne-moi l'occasion de chasser ton ennui. Le ciel pour tes yeux, le feu pour ta nuit et l'eau pour ta soif. Moi